Chers audiolecteurs, je tiens à remercier de vive voix tous les généreux mécènes qui soutiennent le Vieux Sage et sans qui il me serait très difficile de vous offrir des audios à une fréquence aussi régulière et avec cette qualité sonore. Alors, si vous aussi vous trouvez les audios du Vieux Sage dignes d'intérêt, n'hésitez pas à le soutenir via Tipeee ou encore PayPal et dont vous trouverez les liens en description. Merci encore à tous. Je vous laisse à présent avec votre audio. Jiddu Krishnamurti. Le désir est-il un problème? Pour la plupart d'entre nous, le désir est un véritable problème. Nous désirons des biens, une situation, le confort, l'immortalité. Nous désirons exercer notre pouvoir, être aimé, nous prolonger indéfiniment dans la durée, découvrir quelque chose de permanent qui nous procure une satisfaction indéfinie. Or, qu'est-ce que le désir ? Quelle est en nous cette impulsion, cette force qui nous pousse ? Je ne suggère pas ici qu'il serait bon que nous soyons satisfaits de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Ce ne serait que l'opposé du désir. Nous allons essayer de voir ce qu'est le désir. Et si nous pouvons pénétrer dans cette question avec précaution, sans nous fixer une ligne à suivre, je crois que nous provoquerons en nous une transformation qui ne sera pas la simple substitution d'un objet à un autre objet de désir. Car c'est cela que nous appelons changer, n'est-ce pas? Étant mécontents de l'objet de notre désir, nous en mettons un autre à sa place. Nous passons perpétuellement d'un objet que nous désirons à un autre objet que nous considérons plus élevé, plus noble, plus délicat. Mais quelque raffiné que soit le désir, il demeure le désir. Et ce mouvement perpétuel comporte une lutte sans fin, un conflit d'éléments opposés. N'est-il donc pas important de découvrir ce qu'est le désir et si l'on peut le transformer? Le désir est à la fois symbole et sensation. Le symbole est un objet, une personne, un mot, un nom, une image, une idée qui me donne une sensation, laquelle est agréable ou désagréable. Si elle est agréable, elle me pousse à atteindre l'objet, à le posséder, à m'accrocher à son symbole, afin de faire durer le plaisir. De temps en temps, selon mon inclination ou mon intensité, je change d'image, d'objet, de symbole. Si une certaine forme de plaisir me lasse et m'ennuie, je cherche une nouvelle sensation au moyen d'un nouvel objet. Je rejette l'ancienne sensation et j'accompagne la nouvelle de nouveaux mots, de nouveaux points de vue, de nouvelles expériences. Je résiste à l'ancienne et me laisse entraîner par la nouvelle, que je considère plus élevée, plus noble, plus satisfaisante. Ainsi, dans le désir, il y a résistance et relâchement, ce qui entraîne l'idée de tentation. Et lorsque nous cédons à un symbole particulier du désir, il y a toujours, naturellement, la crainte d'une frustration. Si j'observe en moi-même tout le processus du désir, je vois qu'il comporte toujours un objet vers lequel se tend mon esprit afin de me procurer une sensation. Et je vois qu'en ce processus, il y a résistance, tentation et discipline. Il y a perception, sensation, contact et désir. Et l'esprit devient l'instrument mécanique de ce processus en lequel les symboles, les mots, les objets sont le centre sur lequel se bâtissent tous les désirs, toutes les poursuites et toutes les ambitions. Et ce centre est le moi. Puis-je dissoudre ce centre de désir? Dissoudre non pas un désir particulier, un certain appétit, mais la structure entière du désir, de l'aspiration, de l'espoir, en laquelle existe toujours la crainte de la frustration. Plus je suis frustré, plus je renforce le moi. Sous-jacente à l'aspiration, à l'espérance, il y a toujours la peur, laquelle aussi renforce ce centre. Et il n'y a de révolution possible qu'en ce centre. Un changement de surface ne serait qu'une distraction superficielle aboutissant à un désordre. Lorsque je suis conscient de toute cette structure du désir, je vois que mon désir est devenu un centre mort, un processus mécanique de mémoire. Étant fatigué d'un désir, je veux automatiquement me réaliser dans un autre. Les expériences de mon esprit sont toujours en termes de sensations. Mon esprit est l'instrument de sensations. Ayant épuisé les anciennes, je puis appeler la nouvelle réalisation de Dieu, mais ce n'est jamais qu'une sensation. Ou encore, je puis être là de ce monde et de ses peines et vouloir la paix, une paix durable. À cet effet, je médite, je me discipline, je façonne mon esprit en vue de goûter cette paix. Mais l'expérience de cette paix est toujours sensation. Ainsi, je vois que cet instrument mécanique de la sensation et de la mémoire est le centre mort d'où dérivent mes actes et mes pensées. Les objets que je poursuis sont des projections de l'esprit sous l'aspect de symboles dont il obtient des sensations. Les mots « Dieu »,« amour », »,« communisme », »,« démocratie », »,« nationalisme » sont des symboles qui provoquent des sensations. Et c'est pour cela que l'esprit s'y accroche. Mais, ainsi que nous le savons tous, chaque sensation arrive à une fin. Alors nous passons de l'une à l'autre et chacune d'elles renforce notre habitude de rechercher des sensations. C'est ainsi que l'esprit devient l'instrument mécanique de la sensation et de la mémoire et que nous tombons sous l'emprise de ce processus. Tant que l'esprit recherche de nouvelles expériences, il ne peut penser qu'en termes de sensations. Et alors toute expérience qui pourrait être spontanée, créatrice, vitale, inattendue par sa nouveauté, il la réduit à une sensation et part à la poursuite de cette impression qui n'est déjà plus qu'un souvenir. L'expérience, par conséquent, est morte et l'esprit n'est plus que l'eau stagnante du passé. Ce processus nous est familier, pour peu que nous l'ayons observé avec assez d'attention. Mais il semble que nous soyons incapables d'aller plus loin. Nous voudrions aller au-delà parce que nous sommes las de cette perpétuelle routine, de cette poursuite mécanique de la sensation. Notre esprit projette alors l'idée de vérité, de Dieu. Il rêve d'un changement vital, de jouer un rôle principal dans cette métamorphose, et ainsi de suite. En moi, je vois ce processus du désir se dérouler, se répéter d'une façon mécanique, emprisonner l'esprit dans une routine et en faire le centre mort du passé, incapable de spontanéité créatrice. Et, parfois, se produisent aussi de soudains moments de création, de cela qui n'est pas du monde de la pensée, de la mémoire, de la sensation, du désir. Notre problème est donc de comprendre le désir. Non pas de savoir jusqu'où il devrait aller ni où il devrait cesser, mais de comprendre le processus total du désir, des aspirations, des appétits brûlants. La plupart d'entre nous s'imaginent que posséder très peu indique que l'on est affranchi du désir, et combien nous vénérons ceux qui ont peu de possessions. Un pagne, une robe spéciale, symbolise notre désir de nous libérer du désir, et cette réaction est bien frivole. Pourquoi commencer par ce côté superficiel qu'est le renoncement aux possessions extérieures lorsqu'on a l'esprit mutilé par des désirs, des exigences, des croyances innombrables, par d'innombrables conflits? C'est là, en vérité, que la révolution doit se faire, et non dans la liste de nos possessions, la qualité de nos vêtements ou le nombre de repas que nous faisons dans la journée. Mais ces choses nous impressionnent parce que nos esprits sont superficiels. Votre problème, et le mien, consiste à voir si l'esprit ne peut jamais se libérer du désir, de la sensation. La création n'a rien à faire avec la sensation. La réalité, Dieu, quelque nom que vous lui mettiez, n'est pas un état qui puisse être perçu en tant que sensation. Qu'arrive-t-il au cours d'une expérience? Elle vous a donné une certaine sensation, un sentiment d'exaltation ou de dépression. Naturellement, vous essayez d'éviter l'état dépressif. Mais si c'est un état joyeux, un sentiment de félicité, vous le poursuivez. Votre expérience vous a procuré une sensation agréable et vous en voulez encore. Et le « encore » renforce le centre mort de l'esprit, toujours avide de prolonger l'expérience. Il en résulte que l'esprit ne peut pas faire l'expérience de ce qui est neuf. Il en est incapable parce qu'il aborde toujours l'expérience par la mémoire, par la récognition. Et ce qui est connu par la mémoire n'est pas la vérité, la création, la réalité. Un tel esprit ne peut pas connaître le réel. Il ne connaît que la sensation. La création n'est pas sensation, mais quelque chose d'éternellement neuf, d'instant en instant. Je reconnais donc maintenant l'état de mon esprit. Je vois que la pensée est l'instrument de la sensation et des désirs, ou, plutôt, qu'elle est sensation et désir et qu'elle est mécaniquement tombée dans une routine. Un tel esprit est incapable de recevoir le neuf parce que le neuf est évidemment au-delà de la sensation, laquelle est toujours du passé. Donc je me dis que ce processus mécanique avec ses sensations doit cesser. Cette poursuite de symboles, de mots, d'images et encore d'images, tout cela doit cesser. Alors seulement l'esprit pourra-t-il être dans cet état de création où il est toujours possible au neuf d'entrer en existence. Si, sans vous laisser hypnotiser par des mots, des habitudes, des idées, vous voulez bien comprendre combien il est important de permettre au neuf de frapper constamment à notre porte, peut-être comprendrez-vous le processus du désir, de l'ennuyeuse routine qui est cette perpétuelle soif d'expérience. Je pense que vous pourrez voir alors que le désir a très peu d'importance dans la vie de l'homme qui cherche réellement. Il y a, évidemment, certains besoins physiques, de nourriture, de vêtements, de logements et tout le reste. Mais il se transforme en appétit psychologique, en symboles sur lesquels l'esprit se construit en tant que centre du désir. Mis à part les besoins physiques, toutes les formes du désir, jusqu'au noble désir de vérité et de vertu, deviennent un processus psychologique au moyen duquel l'esprit construit l'idée du moi et se consolide en tant que centre. Lorsqu'on voit ce processus, lorsqu'on en est réellement conscient sans opposition, sans la notion de tentation, sans résistance, sans justifier ou juger, on découvre que l'esprit est devenu capable de recevoir le neuf et que le neuf n'est jamais une sensation, qu'il ne peut, par conséquent, jamais être reconnu, jamais être revécu. C'est un état d'être dans lequel la création en puissance survient sans invitation, sans mémoire. Et c'est cela le réel.